Oui. Procédure à suivre. Attention, ne pas paniquer. Bon, ça, c'est très important. Sinon, ben, on peut faire des erreurs et ça peut être très, très désagréable. Donc, oui, ne pas s'affoler. Prendre connaissance de la réalité pour quelques secondes avant de partir dans l'émission, OK? Bon, là, comment on fait pour m'écouter, pour syntoniser CKRL? Déjà là, ouvrir votre radio, mais si vous m'entendez, relaxez, vous êtes sur le bon poste. Bon, si vous n'êtes pas sur le bon poste, vous ne m'entendez pas. Donc, poste ou chaîne, hein, c'est synonyme, la chaîne CKRL ou le poste CKRL. Mais le poste, c'est plutôt au téléphone. Comprenez-vous? Quand vous appelez quelqu'un, faites poste 253, ne raccrochez pas, ne dites aucun blasphème, attendez, poireautez. Votre appel est intéressant pour nous, est important pour nous. Toutes ces conneries-là. Bon, mais là, c'est pas nous, à CKRL, ça ne fonctionne pas comme ça. On vous aime, on vous respecte, on vous veut pour la vie, des invités pour la vie, des auditeurs pour la vie. Mais donc, si vous ne nous syntonisez pas, vous ne m'entendez pas. Bon, vous ne savez pas que vous êtes sur aucune chaîne. Bon. Appelez quelqu'un qui écoute mon émission normalement. Je sais, vous ne pouvez pas le faire, vous m'écoutez, vous ne m'entendez pas. Ouais. Ouais, vous avez raison. On est comme dans un cul-de-sac. Bon, ben. On va passer le générique. Aujourd'hui, le lundi 26. Novembre 2018, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Hey. Tout d'abord, nous allons écouter une ou deux chansons. C'est bon, ça? Ah oui! Ben oui! Aimeriez-vous ça? Ah oui! Ben oui, mais je vous le propose. Acceptez-vous? Ah oui! Ben oui! Donc, vous êtes pas de la. Vous n'êtes pas négativiste. Ah oui! Oui, non, vous êtes positiviste. Ah oui! Ben je sais pas, c'est vous qui le savez, le savez-vous? Ah oui! Oui, vous savez. Bon, ben c'est bon. Au moins, il y a des gens qui sont au courant de leur monde, de leur univers, de leur microcosme. C'est des beaux termes, ça, des microcosmes. Connaissez-vous ça, vous, le microcosme? Ah oui! Ah oui, bon. Alors, une petite chanson, puis après, on va frayer. Aimeriez-vous ça frayer avec moi? Ah oui! Ah, OK, c'est merveilleux. We'll be right back. Ici, nous vous proposons une émission tout à fait possible, je l'espère, et surtout une chanson qui suivra dans quelques secondes. J'avais une idée, mais je l'ai perdue. Ça, j'haïs ça! Ça, en plus, tu ouvres le micro, tu dis le public est là, t'attends. J'avais le début. Chanson de mission impossible, je dis une mission possible, mission, émission, jeu de mots, quelque chose, quelques calembours. Puis là, le blanc total, chose qu'il ne faut pas, ben moi ça me dérange pas, au contraire, ça revivifie, hein, pardon, il faut dire pardon, arrêtez de dire hein. Ça allait tellement imbécile, on dirait que le menton vous tombe hein. On peut être surpris là, c'est pas parce qu'on comprend pas. Mais quand on n'a pas quand on saisit point, on dit pardon. Et on va hein. Alors c'est mission possible, émission tout à fait possible, chanson. J'ai un blanc. Petit blanc, j'ai un blanc. Qu'est-ce que je fais? Sors ta couleur, puis peins-moi ça. S'il te plaît. Êtes-vous prêt? Oh, je suis prêt. Attention, parce que ça va frapper. Je l'attends. Rock and roll. We'll be right back. Michel Pagliaro. Ça, merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse partout. Merci. Au revoir. Bye-bye. Allez-vous-en. Non, ferme la porte. Raymond, ferme la porte. C'est des malades. Moi, des rockeurs, là, on sait même pas la réaction qu'ils peuvent avoir. Je suis sûr que tous les rockeurs possèdent des couteaux, possèdent des fusils, des mitraillettes, puis pourquoi pas des bombes. Des bombes. Je parle pas de leur épouse, là, mais des bombes. On sait pas. C'est du rock. C'est du rock, c'est pour les... Oui, ils sont possédés, des Raymonds. Connaissez-vous les Raymonds? Un groupe punk des années 70-80. Ils sont possédés. On va tous mourir. C'est la fin. Oh non! Oui. Dans la dignité, je te ramène l'hymen de ta virginité. C'est un de mes textes. Ça m'arrive quand je me sens inspiré. C'est que je me suis pas lavé depuis longtemps. On l'a pas dit. On le dit pas. Ça se dit pas. On le dit, ça se dit pas. Ben, tu viens de le dire. Non, mais ça se dit. Ah, ben là, pourquoi tu dis que ça se dit pas? Et tu divulgues. Si ça se dit pas, ça se dit pas. Si ça se dit, ça se dit. Tout se dit. Même si ce qui est pas écrit, même tout ce qui est pas audible, le silence est un cri. Arrête de crier. Ensuite, je me couche sur du papier sans plier le chemin. Et si le manuscrit évoque encore ton corps, ferme l'opuscule avant que hurle le prochain événement. C'est toujours de moi. Sentez-vous, madame, le professionnalisme de la lecture? Il n'y a plus de personnages. C'est l'animateur qui narre sans se marrer. Il laisse, un peu comme l'eau, perler les mots. Et la nuit, très tard, je déperle. Comprends qui veut, comprends qui peut, comprends pas, comprends rien. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose dans la vie. J'aimerais comprendre le sens de la vie. Connaître le bout du chemin. J'aimerais revoir la solitude et remettre ça à demain. J'aimerais comprendre ce qui n'est pas comprenable. Moi, ça, pas très bon, ça. J'aimerais... Je vais vous dire pourquoi c'est pas bon. Quand tu dis « comprend », »,« comprenable », faut trouver un autre mot, un synonyme. Mais là, c'était pas... Savoir pourquoi les nuits sont noires et les jours si brillants. La mouchoir me parle. J'aimerais... Non, faut pas que tu le dises, ça. Tu le sens, tu la sens partir, ta mâchoire, tu la retiens. J'aime... Ça, c'est... Le public ne doit pas savoir toute la douleur. J'aimerais... reconnaître le nuage à son étonnement. Va te le dire. Le sens de la vie, le sens du chemin, le sens du chagrin, le sens de l'amour, le sens uni. Il est pas là. Il n'est pas là non plus. Il n'est pas dans les interstices, pas dans les trous, pas dans le noir, pas dans le clair, pas dans le foncé. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il se trouve au creux de chaque nous. Non, c'est chaque nous. Au creux de chaque nous. Au creux de chaque soir. Au creux de tous nous autres. Au creux de ton épaule. Au creux. Au creux. Oh, attends, ouais, excuse. Au creux. J'ai pas blasphémé. Monsieur le juge, je n'ai point blasphémé. Il n'en est rien. Vous n'êtes qu'un colporte. Vous n'entendez ce qu'il n'y a rien. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas eu de blasphème. Il n'y en aura jamais. Le blasphème est un manque de vocabulaire. Gilbert, dis-le, toi. Toi qui connais tout, toi qui as étudié les langues dans les universités les plus compétentes en la matière, dis-leur, voyons. Y a-t-il un dealer dans le coin? Dis-leur! Tout est légal au Québec. Dis-leur! Bon. Le sens de la vie se trouve au fond de chaque personne, mais j'allais dire au fond de chaque nous. Mais ça, c'est peut-être trop vissé, la poésie, là. C'est de chercher l'insoutenable possession de l'être dans son unité la plus intense, la plus dense. Bref, la vérité se cache dans chacun d'entre nous. C'est un peu le but de la chanson. Comment ça, il n'y a pas d'écho à mon goût? Ah, hein? D'écho à mon goût? Il n'y en a pas d'écho à mon goût? Mon goût, attendez. 18. 18, mais comme ça. Mais ça, c'est pour mon son. OK, on va laisser ça comme ça. OK, on va mettre... Ah, voilà, lui. Voilà. Ah, mais là, c'est trop d'écho. On dirait que je suis dans ma... Reverb. Reverb. Je veux... Oh, c'est bon, ça. Je veux... retrouver la sensation unique... qui nous donne... Non, mais avec ça, là, on entend, c'est plus clair. C'est plus clair. Claire, est-ce que c'est plus foncé? Non, on la fera pas, celle-là. Resto Jean, ben oui. Imaginez-vous, j'étais dans un... Ayez, s'il vous plaît. Ayez les oreillettes retirées. Retirez-vous les oreillettes pour histoire de saisir tout ce que je veux vous dire. Et puis, peut-être que vous n'avez pas, mais ça, c'est pas grave. Si vous possédez-vous à la maison le comment tu voulais dire ça, mon Jean-Pierre? Le décodeur, merci. C'est juste le mot décodeur. Le décodeur. Madame Bradeur, c'est vous qui le fabriquez, le décodeur? Madame Bradeur, il vous en reste plus? Il y en a plus en plus de personnes qui écoutent mon émission, puis si vous avez arrêté la fabrication des décodeurs, Mme Brodeur, vous disiez compétent. Vous êtes comme la majorité, faut pas le dire, faut le prouver. Pas compliqué, décodeur, j'ai dit au moins 20% de décodeurs à chaque année. Là, on est rendu dans le moins. Il y a le public qui m'en réclame. Ils sont devenus membres de CKRL puis ils s'imaginaient avec raison que le décodeur allait venir avec. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Comment t'appelles ça? C'est en fabrication. C'est comme la cigogne. Non, c'est en rupture de marchandises. Rupture, ça doit être un anglicisme encore, ça. Faites-vous aider. Trouvez de la main-d'œuvre, payez-les. Pas des esclaves, ce monde-là. Ils veulent avoir une bonne vie. Ils veulent manger à leur faim. Ils veulent avoir des divertissements à leur mesure. C'est bien beau travailler, mais il faut compter son argent. Faut le dépenser. Roulement économique. Connaissez-vous ça, mon brother? Lâchez les décodeurs. Oh non, on va en appeler une autre. Moi, là, j'en ai ras le bol. Bol, le rat. Pas le rat à quatre pattes, le rat. Ni le rat seul. Non. Changez pas le discours, madame. On vous remet pas le micro. On veut pas vous entendre. Vous êtes pas capable de produire. Vous êtes pas productive. Bon, merci, monsieur. Vous êtes pas productive. Tout le monde m'envoie des messages. Ah, c'est productif. Okay. Oui! Incompétent! Retournez chez vous! Attendez votre chèque! Bon! Non, mais là, ça t'arrive le soir. Hein? Monsieur Gagné, j'aime bien votre émission. Il voudrait des décodeurs. Vous avez des termes assez hors normes. Vous avez un discours un peu éclaté. Les gens peuvent pas comprendre. Ils vont changer de chaîne. Moi, vous en faire un décodeur, elle m'a dit. Moi, elle m'a dit ça. Moi, vous en faire un décodeur. Moi, vous en faire un, moi. Puis, si vous l'aimez, si c'est vraiment les mots que vous vouliez utiliser, puis que ça a passé par la machine et ça a sorti comme ce que la majorité du peuple voudrait entendre, ben là, je vous en ferai une vitam Popperman. Une vitam Popperman. Après trois à bloquer là, il manquait. Non, mais elle m'a pas dit comment. Ben, c'est une menteuse d'un, là. Puis, devant moi, je suis pas gêné. C'est une menteuse. C'est une menteuse parce qu'elle m'avait promis, hein, comme je l'avais dit, 10%, blablabla. Mais, c'est manque de main-d'œuvre. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, peut-être que si c'est vrai parce qu'elle les paye pas, puis je comprends que les gens veulent pas travailler pour des bouchées de pain. Parce que le pain aujourd'hui, c'est bien beau, là, hein? Cela est mon corps livré pour vous, là, mais ils veulent plus se faire livrer de corps. Hein. Les corps morts, ils en veulent plus! Ils veulent du foin. Chez nous au Québec, c'est du foin. Il y a une chanson de Raymond Lévesque, c'est ça qui était bizarre. On fêtait 90 ans de Gilles Vigneault. Je l'adore, c'est merveilleux. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Il a fait la manique. Oui, c'est extraordinaire. Mais les 90 ans de Raymond Lévesque, ça a passé comme pfff. Presque personne n'en a parlé. Gilles Vigneault, pa-pa-pa-pa. Oui, ben oui, ben oui, Natasha Kwan. Alors, Raymond Lévesque a écrit une chanson qui parle d'argent et qui dit « Quand on a du poing, ça va bien. Quand on n'en a pas, ça va pas. Quand on a du poing, ça va bien. Quand on n'en a pas, ça va pas. » Mais ça dit autre chose, là. Je trouverai le disque, là, tout à l'heure, si je peux l'avoir sous la main. Ça vaut la peine. Raymond Lévesque, 90. Gilles Vigneault, 90. À l'heure 280, le Québec et puis les deux pour l'indépendance, heureusement, ils sont encore là. J'espère qu'il y a des jeunes de 15, 16, 20, 30, 40, 50 qui sont encore pour l'indépendance du Québec. Si on veut s'en débarrasser du reste, si on veut rester dans notre culture, dans notre façon d'appréhender. Non, dans notre façon d'approcher la culture nous, à notre manière. On n'est pas comme les autres, là. On n'a jamais été comme les autres. Et c'est de là que vient mon idée. Ben, pas l'idée. J'étais dans un restaurant très connu, que je nommerai pas. La serveuse était à sa pause de repas. Elle mangeait et il y a peut-être le cuisinier de ce même établissement-là qui discutait un peu avec elle, mais qui voyait que c'était peut-être une tête en l'air. Et Jean Leloup émanait des haut-parleurs. Il discutait avec la fille en disant « Oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, cette chanson. C'est une vieille chanson de Jean Leloup. » Elle le regarde en disant « Oh, moi, la chanson francophone, je connais pas ça. Ça m'intéresse pas. » La chanson francophone t'intéresse pas et tu parles avec ce jeune homme en français. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas avec ça qu'on construit quelque chose de bien solide. C'est pas avec une fille comme ça que l'on va dire que le pays, que notre Québec peut s'auto... applaudir, de s'auto... glorifier. Ensuite de ça. Ah oui, les combats des mots, parce que j'ai des petits cartons. Je ne sais pas si je peux vous dire pourquoi, mais j'ai une chronique ailleurs et le matin, donc je prends des notes et juste la note peut me motiver à aller plus loin dans le discours. Donc, le combat des mots, dire et divulguer, parce que c'est synonyme dire et divulguer, mais quand tu places les deux termes un après l'autre, ça va dans d'autres directions. Hein? Si quelqu'un t'arrête dans la rue, là, il s'approche de toi et il dit « Hey, je veux te dire, toi, pas de suspension. » Oh, ouais, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? » Mais par contre, si la même personne s'avance vers toi et te dit « J'aimerais vous divulguer. » Oh, ben là, tu t'arrêtes. Tu ouvres grand les yeux, tu le regardes et tu dis « Oui, qu'est-ce qui se passe? » Parce que dans la divulgation, il y a comme un mystère. D'en dire, c'est plus familier, c'est plus populaire. Donc, celui qui gagne entre dire et divulguer, bien, c'est divulguer. Ah, c'est ça la vie. Adoption aussi gagne, ça, je l'ai fait, ça. La maladie langagière. Ah oui. Dans le fond ou du coup. Au Québec, on dit dans le fond. J'en ai parlé souvent. Ça m'énerve encore autant. Tu sais, dans le fond, ouais, ben je l'ai fait. Moi, dans le fond, cet examen-là, puis dans le fond, c'était pas si compliqué que ça. Mais en France, c'est pas la même chose, là. C'est... Ben, du coup, l'examen était... Alors, au Québec, chez nous, c'est dans le fond, puis en France, c'est du coup. Ça m'énerve. La période de la chasse à l'orignal. Ben oui, là, ça s'est terminé il y a quelques semaines, la chasse à l'orignal. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de « caler l'orignal ». On ne peut pas franciser, là, c'est une expression qui veut dire, j'accroche le micro parce que je vais vous caler l'orignal. C'est appeler la bête, malheureusement, afin de la tuer. Mais bon, on la tue pour se nourrir, pour partager la viande avec nos amis, nos frères, nos Québécois, nos séparatistes. Et donc, caler l'orignal. Comme on dit, un caleur de bingo. Un caleur de bingo, c'est B33. Non, ça se peut pas B33. B7. B7. Parce que c'est français, mais dans certains... Quand vous allez dans un gros bingo là, hein, à Montréal ou partout, mais pas à Québec, c'est uniquement français, bravo. Mais en tout cas, ailleurs, c'est bilingue. Donc, B2, B2. On ne peut pas aller plus loin. Après 10, là, B10, B10, B10. Et j'ai oublié mes B10 dehors. Ah non, m'a gelé les doigts. Ah, mieux vaut avoir deux paires de bitaine qu'une seule paire. Comment? C'est pas bitaine. C'est mitaine. Mitaine. Mitterrand. Mitaine, Mitterrand. Tu connais pas Mitterrand? Non, c'est pas mon voisin, Mitterrand. Voyons, allô, Mitterrand. Je te répète, Mitterrand. Mais il t'aura mis de la matière grise dans ta tête. Tu connaîtras Mitterrand. T'es bien doudoune, poupoune. T'es ma doudoune, poupoune. T'es poupoune, nounoune. T'es nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune, nounoune. Fernande, Fernande, ferme la radio, c'est des drogués, c'est des rockers, c'est des drogués! La chanson, c'était bien sûr Hey Hey My Man de Neil Young. Je dis jamais les chansons que je diffuse, mais ce que je voulais vous lancer comme information, c'est que c'est même pas pris comme ça sur la scène pour un enregistrement. Okay? C'est une copie pirate, une chanson pirate, qui a été placée, mixée, uniquement par la machine de diffusion sonore. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je me comprends? En tout cas, il n'y a pas eu de mixage dans des studios professionnels. C'est juste ça que je voulais vous dire. C'est pour ça que ça sonne. On entend Neil Young. On entend plus les personnes qui sont près de la scène. Alors, on va revenir à la période de la chasse. Non, ce n'est pas la période des questions au gouvernement, madame... Non, avant Neil, hein? Avant Neil, pas le Neil en Égypte qui embrasse l'Afrique. Il aime ça embrasser l'Afrique, hein? Oh, il est là, l'Égypte, ça rentre dans la... Oh, c'est merveilleux, oh, j'aime ça quand ça embrasse l'Afrique. On n'est pas conscient de tout ce qui peut arriver. Les ruisseaux qui embrassent les lacs qui embrassent les... Oh, excusez-moi. Moi, la période de la chasse à l'orignal. Je me préparais à vous caler, comme on dit, pas au bingo, mais vous caler l'orignal. Puis là, faites attention à votre radio. Il y en a qui sont encore en route. Je parle des orignaux en route. Alors, je vais vous caler ça. OK? Hey, deux orignaux bien cuits, des-tu mayonnaise? Non, pas caler, appeler la nourriture, mais appeler la bête lumineuse, qui est pour les... oui, la bête lumineuse. Ça, c'est pour les connaisseurs. Là. Film de l'ONF, de Pierre Perrault. Extraordinaire. Récit filmique. Vous êtes partout dans le monde, vous pouvez trouver ça sur Internet facilement, gratos. Écrivez ONF, espace, bête lumineuse. On y va pour notre bête à nous, qui est l'orignal. J'avais fait un conte, mais le conte n'est plus conte. Voyons. Voyons. Est-ce que ton conte, mon petit champion, est devenu comme trop élargi dans le... Excusez-moi, on va travailler sur le conte. Pas le silicone, madame, hein? Astonel, ah, c'est pas le temps, c'est pas votre temps, là. Vous voulez grossir ça, ces affaires-là, silicone? Non, moi, j'ai dit cône. Ouais, OK. On va dire que c'est un bon cône, mais c'est un cône en papier, il aurait fallu du carton. Peu importe. Nous collons le rial, attention! Nous collons le rial! Ça va bien? Oui, mais c'est parce que c'est pas le bon... En tout cas, peu importe. Non, OK. Mais là, moi, je veux pas vous caler l'orignal. Je veux vous caler plutôt le dépendant affectif. C'est le même principe, là. Skin, skin, skin, skin. Ça, c'est le dépendant affectif. Ça. Tout ça pour régler à ça, hein? Vous avez eu peur quand j'ai collé le rignal? Il pensait, ah, ça peut pas passer par la radio, madame. Non. C'est bien beau, là. On dit, on est dans un... Nous sommes rendus dans un summum, là, au niveau de la technologie, mais là, de là à vous envoyer un orignal à la maison. Voyons donc, croyez pas tout ce qu'on vous dit à la télévision. Raymond, bon, il y a la radio. La radio crée l'imaginaire. La télévision crée l'oubli, selon Godard. C'est bien de dire Godard. Alors, les prénoms. Hey, mais Tangerine. Il y a des gens qui prénomment leur fille Tangerine. C'est merveilleux. J'aimerais bien entendre un petit garçon s'appeler Baraclou. Bon, ça a été dit. Ne force pas avec la bouche, mais avec tes bras. Tonton essaie d'entrer en communication avec une rose. Ah oui. Ah ben oui. Vous saviez pas ça? Voyons donc, on va vous le raconter brièvement. On a 2 secondes. C'est terminé. Non. Je suis allé à Trois-Rivières prendre des photos il y a quelques semaines. Puis aussi faire le serveur, remplir des verres de bière, de vin, d'élixir qui risque de faire perdre la tête et allonger les sous. C'est bien, hein? Au début, là, il n'y a pas de pourboire. Et puis par la suite, là, au 2-3 dollars là, qui se placent sur la table et moi qui ramasse là, cela va snow show. Et je ramasse, c'est un spectacle extraordinaire avec des clowns. Cela veut dire que je vais vraiment enchaîner. Attention, oui, mais attention, voilà, là! Mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5-4-3, Géronimo n'est pas là. OK. Alors, l'argent arrivait, puis je me plaçais ça dans le coffre pour le bien de l'organisatrice qui avait payé de sa poche. Donc, on devait rentabiliser le tout. Et Tonton essaie d'entrer en communication avec une rose d'insectisme. Ah oui, c'est. Puis là, ben, hey, quand tu vas dans ces soirées-là, le thème était le casino. Donc, il fallait être habillé, là, comme on dit, en carte, la carte de mode, la carte, la belle carte. Pas le 2 de pique, là, moi j'étais le joker, mais la carte. Puis chic, là, endimanché. Moi, j'étais endimanché. Mais, j'avais de la difficulté à regarder les jeunes filles dans les yeux. Tu sais, ils enrobaient la trentaine. Les trentenaires là, sont sublimes. Et donc, je plaçais, comme je vous disais, là, je remettais des coupes de vin, des coupes de bière. Et je regardais, bien sûr, ce qu'il avait. Péché, c'est-tu péché, c'est péché, tout ça, c'est-tu péché, oh, mon, je n'irai pas au ciel, ben en enfer, tout est là, ça se passe tout là. Et puis, pourquoi je voulais dire tonton essaie d'entrer en communication avec une rose Saint-Exupérienne? Je ne sais pas. Hein, ça n'a peut-être pas de lien. Agression, ça, oh non, mais ça, c'est merveilleux, c'est incroyable. Mon ami Fergus, qui est chanteur, auteur, compositeur, interprète, Stéphane Doré, de son nom... De son nom civique, s'est fait agresser après un spectacle de Manu Negra. On rendait hommage à Manu Negra et en sortant de la salle, on l'a tabassé juste parce que il chantait des pièces d'un auteur, compositeur, interprète qui, lui, était homosexuel. Stéphane ne l'est pas, mais qu'il soit ou qu'il ne soit pas, pourquoi se faire tabasser pour une orientation, pour des orientations, que ce soit idéologiques, sexuelles ou autres. C'est tout à fait déplorable. Nous sommes en 2018. Aujourd'hui, le lundi... Oui, excusez-moi, je prends le micro parce que je veux regarder tout ce qui se passe pas. Aujourd'hui, le lundi... avez-vous entendu ça? Non, parce que moi, ça me plombe encore se faire agresser pour, comme disait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Aujourd'hui, le lundi 26 novembre 2018, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour d'un ami. La semaine prochaine, ce sera la suite. Claude Alain Planchon. Je ne veux pas trop l'annoncer puisqu'il nous ouvrira ses portes, parce qu'il nous accueillera avec sa générosité et son humanisme des plus exceptionnels et des plus touchants. Alors, voici ce soir pour nous, pour vous, Claude Alain Planchon. Nous sommes tous morts à 20 ans, en effeuillant la fleur de l'âge, pendu à l'arbre du printemps, dans le plus beau des paysages. La terre tourne pour les enfants, ceux qui grandissent, tant pis pour eux, ils vont grossir le régiment. des fonctionnaires de l'ennuyeux, avec des jours qui se ressemblent, des habitudes et des grimaces, et des migraines, des mains qui tremblent, de rides en rides, de glace en glace. Nous sommes tous morts à 20 ans, en effeuillant la fleur malade d'un idéal agonisant au printemps d'une barricade. Moi qui déteste tant la guerre, il m'arrive parfois d'envier l'enfant mort pour un coin de terre, sans avoir le temps de crier, sans voir la tristesse sourire, sans écouter l'oiseau mentir. 20 ans, c'est pour apprendre à vivre, le reste pour apprendre à mourir. Nous sommes tous morts à 20 ans, en effeuillant la fleur du rêve, dans une gare ou sur un banc, où le premier amour s'achève. Pourquoi prolonger sa jeunesse? Pourquoi jouer à être encore? L'amour est mort et la tendresse s'est suicidé de corps en corps. Nous sommes tous des revenants d'un certain sexe, d'un certain âge, avec des mots pour sentiments, avec des masques pour visage. Nous sommes tous morts à 20 ans, en effeuillant la fleur de l'âge, pendu à l'arbre du printemps, dans le plus beau des paysages. Tous morts à 20 ans. Comment ça va? Quel plaisir. Ah ben moi aussi. On se tutoie ou on se voit? On se tutoie bien sûr. Et tu as baissé depuis longtemps? 5 minutes. Ok, c'est pas mal. Voilà. Oh, une chaleur. Ah dis donc, oui. Ouais. J'ai un ami de Paris dont les parents sont canadiens. Anglophone, anglophone. Francophone. Ok, des Québécois. Des Québécois. Ok. Et il me dit que là-bas il fait très beau mais très doux. Et très doux, 31 degrés mais moins d'humidité. C'est ce qu'il me dit, oui. À Québec, voilà. En fait. Ah oui, c'est très. Mais ici, là, c'est. C'est un ami canadien qui est à Paris et qui est peintre animalier. Ah oui, son nom? Il s'appelle François Blin. Ah, Blin, ouais, c'est très québécois, Blin. Très québécois, bah oui. Ah oh, oui. Il vient juste de m'envoyer. Ah! Avant que j'oublie, oui. Je t'ai apporté mon dernier livre. Oh, c'est gentil! Un cadeau de bienvenue à Paris. Ah, oh, c'est gentil! Oh, merci. Carnet de voyage. Ça, c'est le tout dernier. OK. C'est dans le cerveau de quelqu'un, dans les méandres? Ouais, en fait, c'est des aphorismes, c'est des petites notes que j'ai prises sur un carnet. OK. Qui sont un peu désinguées, tu vois. Ah, c'est bon. Et j'ai demandé à un de mes amis, qui est un sculpteur surréaliste, de faire les dessins sur la... Pas vraiment de faire les dessins, mais je trouvais que ça collait bien à ça, tu okay. vois. Donc, les mots amènent la création de... Ou l'inverse. Ah, c'est bon, voilà, c'est bien, voilà, c'est bien. Donc, Moi, je t'ai connu via tes ouvrages, mais aussi, quelquefois, on te voit à la télévision. Oui. Ce qui me surprenait à chaque fois que je te voyais, c'est de voir un médecin aussi extravagant. Ah oui, on dit que je suis un médecin inclassable. Ouais. Oui. Mais et à chaque fois que je t'envoyais des messages, tu me répliquais avec des bonhommes sourires. Comment on fait pour garder une humeur ou une vision heureuse de la vie lorsqu'on travaille avec des cancéreux et... Justement, en étant atypique, hein, parce qu'on essaie de, enfin, j'essaie de faire mon métier au mieux que je peux. Tout en privilégiant la relation humaine. Et ça, c'est très, très lourd. Et ce n'est possible que si on a un univers à côté. Et moi, je suis issu d'une famille d'artistes. J'ai été marié à une danseuse. J'ai un frère qui est danseur étoile. Donc, je suis dans un milieu artistique. Et ça me lave le cerveau, quoi. Donc, il faut lever la soupape à un moment donné. Exactement. Et c'est ce, ouais. C'est ce qui t'aide, ouais, à travailler et à donner... Il faut sortir de la misère du cancer pour aller dans un univers plus joyeux. Mais, Bonjour, monsieur. Bonjour. Je ne sais pas si on prend un café, si on va se tirer dans le pied. Hein. Ouais. Ah, on se tire dans le pied. C'est enregistré. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce donc? Ouais, et ben, ça, c'est des micros. Donc, on est interviewé. Et ça empêche si... les grésillements. Ouais, c'est ça, le vent. Voilà. Voilà. Génial. Pas mal, hein? Ouais, c'est ouais, rigolo. Bien coiffé, non? Un peu moins bien coiffé. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Toi? Moi, je vais prendre un déca. Un déca? Moi, je vais prendre un allongé. Très bien. Merci. Avec un verre d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous apporte. Merci. Merci. Ça, c'est donc, Paris. Oui, c'est vrai. Mais à l'origine, vous êtes né à Nevers. Alors moi, je suis né dans le centre de la France, mais je suis venu à Paris, j'avais 2 ans. Okay. Donc je suis parisien. Okay. Je me sens parisien. De quel arrondissement? Je suis dans l'ouest de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Ok, oui. Endroit plus bourgeoisie. Un peu, ouais. C'est une cité très bourgeoise. Et j'ai la chance de travailler à un quart d'heure à pied de mon appartement. Ah, c'est bien. Ça, alors, c'est un cadeau de la vie, tu veux dire. Alors, tu oxygènes un peu ton cerveau avant d'entrer. Exactement. Je me relaxe en marchant un quart d'heure avant d'aller au boulot. Et puis, en repartant, c'est pareil. Je me lave le cerveau un quart d'heure. Mais tu travailles beaucoup parce que ton horaire est chargé. Ça a été quand même assez difficile. Je travaille beaucoup, oui. J'ai des journées jusqu'à 14 heures. Enfin, là, maintenant, comme on m'a prolongé mon contrat, j'ai réussi à négocier, je suis à mi-temps. Donc, et c'est mieux pour toi? C'est mieux pour moi, sauf qu'en 2 jours et demi, je fais 30 heures de boulot. Quoi, ok, mais, ouais, c'est bon. Simple. Mais à quel moment tu te places en position d'écrivain? Puis à quel moment tu te... Tout le temps. Ça ne quitte jamais mon cerveau. Et mais c'est à quel moment ça a déclenché tout ça? Bah, à chaque fois que j'écris un livre, je me dis que c'est le dernier. Ah ouais, ben ça c'est classique, hein, tous. Voilà, c'est classique. Et puis à un moment donné, je sais pas, il y a un truc qui se... Ça peut être une conversation avec... Le dernier que j'ai écrit, c'est une conversation avec un ami sur la terrasse d'un café et... Est-ce que ça dérange l'ami de se faire... Et ben, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien écrire en fin de compte sur ce que tu viens de me raconter, est-ce que ça te gêne? Et il m'a dit non, il dit d'ailleurs si tu veux on dîne ensemble et je te raconterai davantage. Ah ok, ah oui, je vais... Et je lui ai dit surtout pas. J'ai dit parce que c'est ce que tu m'as dit en superficie qui m'intéresse et moi après je vais fantasmer là-dessus. Voilà, exactement. Okay. Donc c'est à partir de divulgation. Voilà, exactement. Et toi à travers ça, tu as comme voilà. Augmenté le... Et ça m'a branché et quand quelque chose me branche, je sais pas ce que c'est que le syndrome de la page blanche. Quand j'ai une idée, après c'est comme un petit vélo dans mon cerveau qui tourne. Je fais beaucoup de natation aussi. Donc c'est assez long et fastidieux la natation parce que tu es tout seul dans l'eau. Et à ce moment-là, mon cerveau travaille tout seul. Un esprit-saint dans un corps sain, tu y crois? Ouais. Ouais, c'est pas bien. Et moi, en blague, je dis souvent un esprit-saint dans un corset. Oui, bah ouais, c'est sûr. On s'oblige à tenir la forme, on s'oblige à... Tu sais, quand j'ai des journées de 14 heures, si t'es pas en bonne forme physique, je bois pratiquement pas, je fume pas, puis je fais beaucoup de sport. Est-ce que tu fumais? Alors j'ai fumé comme tous les gens à 16-17 ans. Pour suivre les autres, hein, les amis? Voilà, exactement. Ouais, puis la cigarette, c'est un moyen de convivialité, si tu veux. Ouais. Une sociabilité, hein, tu fumes avec... Tout à fait, alors surtout à cette époque-là. Et puis dès que tu voyais un film américain, tout le monde avait la cigarette au bec, donc on voulait faire la même chose. Et ben voilà. Et puis j'ai eu la chance d'effectuer mon premier stage de médecine dans un service de cancer du poumon. Donc ouais, là ça a été radical. J'ai plus jamais retouché, je devais avoir 20 ans, je n'ai plus retouché une cigarette. Et qu'est-ce qu'un adolescent trouve attirant dans le fait d'étudier en médecine? C'est quand même assez ardu comme... Oui, eh ben écoute, moi j'ai décidé que je serais médecin à l'âge de 4 ans. Moi je m'en souviens pas, mais mon père me disait que je lui avais posé la question à 4 ans. « Papa, est-ce que tu as beaucoup d'argent ?» Alors il avait dit « Pourquoi tu me poses cette question ?» C'est bizarre à 4 ans. Je lui ai dit « Bah voilà, je voudrais être médecin et les études de médecine, ça doit coûter très cher. » Donc... C'est voilà. Ça. Ouais. Ça a été le déclencheur. Ouais. Mais il faut dire qu'à 2 ans, j'avais attrapé une diphtérie et qu'à cette époque-là, on en mourait. Et que j'avais survécu. Et je pense que dans mon inconscient, tout ce que j'avais vécu de difficile à ce moment-là, par réaction, si tu veux, je me suis dit, ben tiens, moi, pour vaincre la maladie, on peut être que médecin. Ah oui. Et pourquoi la cancérologie? Qu'est-ce qui t'a attiré dans... Ben, y a rien qui m'a attiré. C'est souvent une question de hasard, les orientations professionnelles. Moi, je voulais être chirurgien. Et puis, je me suis rendu compte très vite que, d'abord, je n'aimais pas le milieu de la chirurgie. Et puis, que je ne serais jamais un bon chirurgien. Qu'est-ce qui te faisait croire ça? Il y a beaucoup d'histoires de cul. C'est vrai? Ah ouais, dans le milieu chirurgical, c'est vraiment... Et je me suis dit, s'il faut en passer par là pour arriver... Ah, je pensais que c'était pas un mythe. Ah ouais, non. C'est pas un mythe. Enfin, à l'époque, hein, c'était pas un mythe. Maintenant, on fait beaucoup plus attention, mais à l'époque, les infirmières cherchaient les médecins, les médecins cherchaient les infirmières. Perdu. Ah, tu m'aimes. orienté vers la radiologie. Et comme j'avais fait un peu de chirurgie, j'ai fait de la radiologie interventionnelle parce que j'aimais bien passer des sons, tout ça. Et puis en faisant de la radiologie, je suis arrivé par hasard à Villejuif, qui est dans le plus grand centre de cancérologie de France. Je pensais faire ma carrière là-bas, puis j'ai été débauché par l'hôpital américain. Donc j'ai fait ma carrière à l'hôpital américain. Comme dans la spécialité d'imagerie médicale que je faisais, il y avait 75% de cancérologie, je suis retourné à la fac passer une spécialité de cancérologie, voilà, tout simplement. Et par la suite, tout s'est enchaîné. Et le premier livre, est-ce que tu t'en rappelles? Alors le premier livre, il faut te dire qu'à la fin des années 90, j'ai rencontré une femme américaine à Los Angeles extraordinaire qui s'appelait Selma Schimmel et qui était la présidente fondatrice de la plus grande association de communication sur le cancer aux États-Unis. Sans savoir. Sans savoir, vraiment par hasard. Vraiment par hasard. Puis ça a bien matché, comme on dit, ça a bien collé entre nous. Et j'ai commencé à faire des congrès de cancérologie sur les droits du patient avec elle. Et c'est là où j'ai vu que le Canada était très très en avance sur la France. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup d'exemples sur l'exemple canadien. Et donc, avec elle, j'ai fait un peu le tour du monde dans les congrès. Et puis ensuite, elle m'a proposé de créer une branche française. Donc ça, c'était au début des années 2000. Et j'ai créé une association qui s'appelle Choix Vital, Parole et Cancer. Et on a créé les premiers groupes de parole de cancérologie en France. C'est-à-dire? Voilà. Bah, c'est-à-dire que c'était des structures dans les hôpitaux ou dans les maisons des associations où on réunissait des patients cancéreux et la parole circulait librement, okay. Animée par un médecin, en l'occurrence c'était moi. Autant les gens qui étaient touchés par le cancer, autant que les proches. Tout à fait, ouais. C'était. Il ne faut pas diviser les deux. Non, c'était tout type de cancer confondu et on insistait toujours sur les patients cancéreux et leurs proches. Que leurs proches en prennent plein la figure autant que les malades. Ça bouleverse une vie. Il y a beaucoup de noms de vie, ça bouleverse les couples, ça bouleverse les familles, les parents. Ça bouleverse quand c'est une des vie. Enfants, c'est. Ouais, oui, c'est un gros bouleversement. Je dis toujours, c'est un saut dans l'inconnu. Crains-tu, toi, d'avoir le cancer? J'ai eu un cancer. Ben, si rien ne se fait par hasard, j'ai obtenu mon diplôme de cancérologie en 86. Et en 88, j'ai eu un cancer, j'ai eu un lymphome de la rate. Donc, ce qui fait qu'on m'avait donné quelques mois à vivre. Et puis, au bout de 5 ans de survie, je me suis dit, c'est un don de la vie, tu vois, parce que je suis hors statistique. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Ben non, pas tellement. Et je me suis dit, maintenant, c'est un cadeau de la vie qui m'était donné, il faut que je le partage. C'est donc, du supplémentaire, là. Voilà, exactement, oui, c'est du supplément, tu vois, c'est du bonus. Et je me suis dit, il faut que je partage avec les autres, parce que je suis un exemple positif qu'on peut s'en sortir, et ça, il faut que je le montre. Et comment crois-tu que tu as pu t'en sortir, contrairement à certains? C'est dans la tête? Alors, c'est dans la tête, hein, parce que je n'ai jamais baissé les bras. Et surtout, je suis un ancien grand sportif, puisque j'étais champion de natation avant d'être étudiant en médecine. Donc je pense que j'avais un corps très très sain. Comme tu disais tout à l'heure... C'est dans un corset. Et ben voilà. Ben ouais. Voilà. Et suite à ça, tu t'en es sauvé? Ben écoute, oui, parce que ça fait 30 ans cette année. Je fête mon 30e anniversaire en tant que survivant. Pas mal. Ah, c'est super. Ben ouais. Et est-ce que alors tu dois tout le temps vérifier si t'as pas, s'il n'y a pas de récidive ou... Alors bon, maintenant il y a peu de chances qu'il y ait de récidive. Enfin, je fais un grand bilan par an. Et puis maintenant que je commence à gagner de l'âge, je commence à avoir les maladies propres à mon âge. Tu vois, troubles du rythme cardiaque, hypertension, tout ça. Et pour moi, c'est surprenant parce que je ne me serais jamais attendu un jour à survivre aussi longtemps et à voir les dommages collatéraux cardiaques de quelqu'un de mon âge. Plus tard, ben, on se voit à la retraite faire tout ce qu'on n'a pas pu faire lorsqu'on était dans le milieu du travail ou dans le côté plus actif de la vie. Est-ce que tu veux, à un moment donné, prendre le crayon et en faire une occupation à temps plein? Alors, d'abord, je travaille dans des associations humanitaires, donc déjà, ça me prend pas mal de temps en tant que bénévole. Et puis, l'année prochaine, en avril-mai-juin 2019, j'ai une pièce de théâtre qui est tirée d'un de mes livres, donc je vais m'en occuper. Tu vas faire la mise en scène? Alors, c'est une amie qui fait la mise en scène. En fait, c'est une ex-sociétaire de la Comédie-Française, Bérangère Dautin, qui est tombée amoureuse d'un de mes livres qui s'appelle « La Dame Céleste et le Diable Délicat ». Et elle en a tiré une pièce de théâtre donc, qui va être jouée au Théâtre Héberto à Paris. Et comme ça m'a bien plu la façon dont elle avait arrangé le livre, du coup, j'ai écrit une autre pièce pour l'acteur qui jouera mon rôle dans la première pièce. Et ouais, le théâtre, ça me passionne. C'est une famille, le théâtre. Ouais. Je suis en train de découvrir ça et je pense que ça va bien m'occuper pendant quelques temps. Alors, c'est ce qui t'anime actuellement, c'est le théâtre. Actuellement, c'est ça, ouais. En fait, c'est de mettre en bouche les dialogues que toi, tu avais en tête. Ouais, on revient toujours sur la notion de parole. Ouais, toujours. De parole libérée, tu vois. Donc, j'ai assisté déjà... Il faut dire que La Dame Céleste et le Diable Délicat, c'est un roman autobiographique. Donc, de voir se dérouler ta vie sur scène comme ça, c'est assez narcissique, hein, je veux dire, ça flatte l'ego, mais ouais. C'est beaucoup d'émotions de voir revivre des personnages qui ne sont plus là. C'est surtout une psychanalyse. L'écriture est une psychanalyse. Mais là, c'est le jeu du miroir. Parce que le théâtre te renvoie une image qui n'est pas forcément ton image que toi tu pensais, mais c'est l'image de la personne qui en a fait l'adaptation. Toi. Et là, il se trouve qu'on a exactement, avec Bérangère Dautin, on a exactement la même sensibilité et elle a fait un travail admirable. Toi. Mais lorsque tu lances un livre, chaque lecteur va en prendre des brides et se l'accaparer. Donc, tu lances à la mer. Oui, je dis toujours... Et c'est ce qui te plaît beaucoup. Exactement, je dis toujours que l'écriture, c'est une bouteille lancée à la mer. Ouais. Parce que c'est un cri de détresse, en fait, quelque part. Moi, j'écris des romans assez noirs. Oui. Donc, c'est ça, c'est exactement ça, la bouteille lancée à la mer. Et alors, quelquefois, il y a des merveilleux retours, je reçois des lettres. Oui, mer, merveilleux retour, oui. Ah ouais, mer, ouais. Merveilleux retour, ouais. Exactement, oui. Est-ce que, souvent, dans l'écriture, c'est les mots qui amènent les idées ou l'inverse? Alors, si tu veux, moi, quand je commence un bouquin, j'ai le sujet principal. C'est ce que j'appelle l'arête de poisson. Okay. Et après, il faut mettre la chair autour. Ouais. Alors, il y a des gens qui pensent pendant des heures, qui écrivent des plans. Moi, non. Moi, j'ai mon arête de poisson et les personnages viennent tout seuls et tout s'enchaîne tout seul. Et à un moment donné, le mot fin arrive. Et quelquefois, mon éditeur me dit « Ah, mais tu devrais écrire plus parce que tu n'as écrit que 250 pages. » S'il y en avait 350, ce serait un roman d'été formidable. Et je dis « Non, mais... » Moi, j'ai un esprit assez cartésien. Ouais. Le mot fin est arrivé. Pourquoi tu avais épuré un peu le discours, tu avais épuré l'idée que tu voulais en faire, tu avais vraiment mis un point final à ça? Oui, ben. Sinon, c'est brodé, c'est en mettre davantage. Si tu veux, ouais, je crois que c'est mon esprit scientifique. C'est l'habitude des publications médicales où tu vas toujours au direct. Si tu mets des fioritures, tu n'es pas publié. Alors que, bon, c'est vrai que l'écriture, pour un roman, il faut en mettre quand même un peu des fioritures, tu vois. Mais moi, j'ai une écriture assez directe, assez efficace. Il y a un leitmotiv qui revient toujours quand je reçois des commentaires, c'est « Ah, écoutez, j'ai commencé votre livre, mais j'ai pas pu le laisser, je suis allé jusqu'au bout, je l'ai lu d'une traite. » Et c'est peut-être justement cette notion d'écriture très efficace. J'ai une façon d'écrire, j'aime bien le rythme des mots, j'aime bien la couleur des mots, j'aime bien la musique des mots. Ce qui fait que quand tu commences à me lire, je crois que tu es emporté jusqu'au mot fin, comme en surfant sur une vague, tu vois. J'aurais moins l'impression que t'es plus une jeunesse. Si tu voulais des fois, Roger, si tu voulais, au lieu de se crier des bêtises, on se ferait des caresses. Mais non, mais non. T'es toujours un petit corbin dans un caleçon, sors jamais dehors, s'habiller c'est trop long. Je traîne au coin de la table toute la moitié de soirée, à sacrer comme un yob en regardant la télé. Je t'annais. Si tu grouillais des fois, Roger, si tu grouillais, j'aurais moins l'impression que t'es plus une jeunesse. Si tu voulais des fois, Roger, si tu voulais, au lieu de se crier des bêtises, on se ferait des caresses. Mais non, mais non. T'es toujours effoiré dans le fond de ton fauteuil, on peut jamais te parler parce que t'écoutes rien que d'un œil. Je tiens ta bière d'une main, puis ta bédaine de l'autre, puis moi, ben, il me reste plus rien, puis je fais comme les autres. J'attends. J'attends que la télévision finisse pour te parler. Si tu grouillais des fois, Roger, si tu grouillais, j'aurais moins l'impression que t'es plus une jeunesse. Oh. Si tu voulais des fois, Roger, si tu voulais, au lieu de se crier des bêtises, on se ferait des caresses. Mais non, depuis qu'on sort ça, cette boîte à images-là, depuis ta tête à toi, ils te l'ont toute changée. C'est plus quoi penser, c'est eux autres qui pensent pour toi. Puis quand t'arrives le soir, ben, c'est plus rien que merci, bonsoir, je t'aime. Je te parle, puis je sais même pas si tu dors. Si tu dors pas, Roger, fais-moi donc un petit geste. Si on pouvait se parler, je me sacrerais tout le reste. Travaille comme un ours, je le sais, Roger, je le sais. Mais moi, j'ai besoin d'amour, t'as pas le droit de me refuser. Si tu grouillais, des fois, Roger, c'est grouillé, j'aurais moins l'impression, mais t'es plus une jeunesse. Hein. Si tu voulais, des fois, Roger, si tu voulais, au lieu de se crier des bêtises, on se ferait des caresses. S'il vous plaît, Roger, fais pas semblant de ronfler. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus. Le vent du nord chasse les feuilles, les alouettes ne volent plus, ne dansent plus, les écureuils, même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le bouleau. J'ai réparé un nid d'oiseau, je l'ai cousu de feuilles mortes. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de moi corbeau, vas-tu jeter aux flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots. Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le boulot. Errance rénaldienne sur CKRL-MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. As-tu deux secondes, non? As-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux secondes, non? As-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux secondes, non? Il y a quelque chose d'important à dire. Je m'attends pas à ce que tu me répondes. Faudrait juste que tu m'écoutes. Reste assis, va-t'en pas. Finis ton café pour une fois. Mais si tu veux, tu recommenceras à sacrer pendant le déjeuner. Écoute, écoute-moi, même si j'ai pas les bons mots. Ça fait tellement, tellement longtemps que tout reste poigné dans ma gorge. J'ai la bouche tellement, tellement pleine d'affaires qu'il y a rien qui veut sortir. Ou plutôt, tout veut sortir en même temps. Tout ce que j'arrive à faire, c'est de broyer. Tu l'as remarqué? Tu me l'as dit que je suis nerveuse sans bon sens. Il faudrait... Il faudrait que tu me comprennes. Mon Dieu, Roger, j'ai 40 ans. Je le sais que t'es plus vieux pis que t'es plus fatigué que moi. T'as 22 ans que tu me le dis. Et pour une fois, veux-tu m'écouter? T'sais, si je suis pas comme avant, si je suis moins belle, si je suis moins bonne, t'sais, si je suis pas comme avant, oh, puis laisse donc faire, Roger. Va-t'en travailler. Et les personnages que tu amènes dans ton roman, est-ce que certains peuvent vivre en dehors de ce roman-là? Est-ce qu'on peut les voir dans la rue? Oui, à 90%. Ce sont des gens qui existent. Tout ce que je décris dans mes romans a une base vraie. Est-ce que tu vas voir les gens que tu impliques dans ton roman ou tu... Non, je les vois toujours. Ils sont morts, mais enfin, ce sont des gens qui ont été très proches. Et c'est en ça que la vie est merveilleuse. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'ennuient dans la vie. Moi, je m'ennuie jamais parce que je vis des choses formidables et je rencontre des gens formidables. Alors après, il s'agit d'ouvrir ses oreilles et d'ouvrir ses yeux. As-tu déjà eu des critiques de certaines personnes qui n'ont pas vraiment aimé ce que tu leur as fait dire? Oui, j'en ai eu aussi, oui. Des gens qui me reprochent mon côté très noir. Plusieurs fois, j'ai reçu des commentaires en me disant mais votre côté Céline nous agace. La noirceur de Céline. Et moi, je le prends comme un grand compliment parce que moi, je juge l'écriture de Céline. Le personnage infect qu'il était, je m'en fous en fait. Et ses mots sont sublimes, donc c'est un compliment. D'où vient ce côté sombre, ce côté noir de ta plume? Peut-être la cancérologie, hein, ma foi. Donc je pense que je suis imbibé de, comme on disait au XVIIe siècle, de bile noire. Ouais. Et que j'ai trouvé dans l'écriture le meilleur moyen de sortir cette bile noire. C'est un moyen, c'est simple en fait. Oui, effectivement. Est-ce que ces personnages-là, tu les reprends et tu les remets dans d'autres romans ou une fois qu'ils ont été mis dans... Non, en principe, quand ils ont fait leur temps, ça y est, c'est fini. Tu les replaces pas? Non. Ils n'ont plus rien à dire sur... Non. Enfin, c'est moi qui n'ai plus rien à dire sur eux. J'ai dit l'essentiel. Alors, la plupart du temps, les personnages sont flattés, s'ils sont encore vivants. Oui. Quelquefois, il y a des personnages qui ne sont pas très contents. Ouais. J'ai une amie artiste qui s'est fâchée avec moi. Parce qu'elle est polonaise, elle est très catholique, très croyante. Et dans le roman, je la fais mourir et elle ne m'a pas pardonné. Et tu ne lui as pas demandé avant? Non. et tu t'es senti à l'aise de le placer dans ce livre, ouais. Dans ton livre. Ouais, ouais. Oui, parce que c'était pas le même nom. C'était... Mais elle, elle s'est reconnue. Donc, ah bah tout de suite. Tout de suite, oui. Ça, c'est et reconnu. Pour toi, il n'y avait pas de problème? Non, pour moi, il n'y avait pas de problème. Moi, je voyais que la beauté de l'écriture, et puis c'était une histoire très romantique, très belle. Le fait de la mettre en scène dans un espèce de conte comme ça pour grands enfants, ah, ouais, ouais. Je trouvais que c'était assez beau, et qu'en tant qu'artiste, elle comprendrait et qu'elle serait flattée. Elle a été flattée, mais on ne se voit plus. Mais c'est voilà. Triste. Ben ouais. Mais en même temps, si elle n'a pas compris. Ben, je me dis qu'elle ne me manque pas. C'est en fait, elle ne me manque pas. Mais dans tes romans, qu'est-ce qui commence un roman? Qu'est-ce qui te place dans le rôle de l'écrivain? À quel moment tu te dis, là, je vais prendre le crayon? C'est comme une envie de pisser. OK. Il se passe quelque chose et il faut y aller. Est-ce que tu prends des journées de vacances ou tu poursuis ton travail à travers tout ça? J'écris beaucoup la nuit. Je pense beaucoup dans la piscine quand je fais mon kilomètre de natation. Et j'ai la chance de ne pas dormir beaucoup. Est-ce que c'est une chance de ne pas dormir? Ah ouais. Parce qu'il y a un médecin qui disait, pour être en santé, il faut dormir. Écoute, j'ai 70 ans, comment tu me trouves? Génial. Eh bien, tu vois, donc voilà. Et non, c'est, oui, c'est une chance, tu peux faire plein de choses. C'est-à-dire qu'après le boulot, il y a une vie, tu vois, tu peux voir d'autres gens, tu peux dîner, tu peux aller au spectacle. Mais comment tu compenses ce manque de sommeil-là? Bah, écoute, j'ai une vie saine, et puis le sport, ça aide, quoi. Mais c'est vrai que quelquefois, le week-end, toi, je suis fatigué, mais je me pousse pour aller à la piscine, tu vois. Ok, ah ouais, c'est une obligation. Aujourd'hui, après t'avoir vu, je vais aller à la piscine faire 2 kilomètres. Ah oui? Ok. Et quand tu ressors, là, t'es comme pris de... Ben, quand je ressors, c'est drôle, j'ai le sentiment du devoir accompli. OK. Parce que c'est dur, hein, de faire 1 kilomètre à mon âge sans s'arrêter. Ben, même pour n'importe qui. Ah, ben ouais, et je me dis, je l'ai fait, c'est bien. Ouais, c'est une grande satisfaction. Et cette obligation-là te force donc à toujours remettre le sport en ligne de... dans une visée. Pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer à... Tout à fait, parce que je suis persuadé que c'est ça qui a fait que tous les pronostics sur ma maladie ont été déjoués, tu vois. Ben, j'ai beaucoup de chance. Hein. Est-ce que tu envisages à un moment donné de partir un roman sans aucune assise de ton réel? Sans aucune assise de ton... Ça me paraîtrait très difficile. Ok. Ça me paraîtrait très difficile. Ben, le dernier que je t'ai donné, peut-être parce que ce sont des réflexions. Mais ça vient de toi. Ce sont des aphorismes. Oui, ouais. C'est des trucs qui viennent. C'est assez fou, tu vois. Et puis, comme c'est illustré par des sculptures qui viennent de quelqu'un d'autre. Mais tu verras, ça match très bien. Donc, celui-là, oui. On peut dire. Et puis le premier livre que j'ai écrit, Le Prince aux Mains Rouges, c'est un peu autobiographique parce que ça se passe en Touraine et à un moment donné, j'allais souvent en Touraine passer les vacances avec mon ami Guy Bedos, que vous connaissez bien au Canada. Au Québec. Et donc j'ai écrit ce conte. Un grand ami Jean Lapointe en passant. Eh bien oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah ben il est. Guy, il est fou des cousins canadiens. Québécois, oui. Il les aime beaucoup, les Québécois. C'est drôle, tu dis toujours Québécois. Oui. Toi, nous, on fait toujours la. Oui, ben, il faut revenir au Québec. Parce exactement. Que si on veut se sauvegarder et devenir autonome, à un moment donné, il faut remettre tout le temps. Oui, bien sûr. Ouais. Mais tu sais que Jean Lapointe est à son deuxième cancer. Ah non, je ne savais pas. Ouais. Il a 85 ans. Ah oui. Donc. Ben Guy, il a 84, je crois. 83, 84. Guy Bedos? Oui, oui. Je me trompais avec Raymond DeVos. Ah non, non, non. Ah non, non, OK, mais c'est pas un ami de Jean Lapointe. C'est Raymond DeVos qui est un ami de Jean Lapointe. Ah ben voilà. Ah oui, donc, Guy Bedos, non. Ouais. Et c'est un grand ami québécois, effectivement. C'est un grand ami québécois, mais c'est drôle parce que s'il entendait cette interview... J'ai rencontré sa fille il y a 3 ans, Victoria. Ah, Victoria, oui, que j'ai vu naître, moi. Ah oui. On est très amis, c'est ma petite fille, Victoria. Elle écrit tellement bien. Elle écrit bien. Elle chante. Elle fait tout. Effectivement. Un peu à l'américaine, d'ailleurs. Oui. Elle est douée. Elle écrit des scénarios, elle écrit des livres, elle chante, elle danse, elle fait beaucoup de choses. Et son frère, on le voit partout. Oui, pas son frère. Ouais, ouais, ouais. Il a dépassé le père. Ouais. sera dans un autre domaine. Oui, oui, exactement. C'est ça qui est formidable. Oui, j'ai essayé de rencontrer Guy Bedos il y a 2 ans, mais c'est difficile parce qu'il habite plus en campagne. Donc, Oui. Puis, voilà. Et toi, qu'est-ce qui te... Est-ce que tu te... As-tu beaucoup d'amis dans le milieu artistique? Oui, beaucoup, oui. Est-ce que c'est ton travail qui t'a amené à les rencontrer? Alors, ou si c'est ton côté par mon travail, parce que l'hôpital américain a une vocation de recevoir des grands artistes. Donc c'est vrai que j'ai rencontré la plupart des grands artistes français parce qu'ils étaient malades. Mais c'est intéressant aussi de voir des gens dans... Ces gens qui sont très connus, si tu veux, qui sont toujours sur un piédestal. Vulnérables. Ils sont plus vulnérables que les autres parce qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui leur arrive et qui les oblige à descendre de leur piédestal, qu'ils ont tendance à occulter. Et je trouve que leur détresse, leur faiblesse est très émouvante, très attachante, tu vois. T'as encore envie en plus de les aider parce que ils sont plus vulnérables que les autres. French, my friends used to call me Paul, Lise, Pierre, Jacques ou Louise, Gros Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, what happened to my name? Oh, mommy, used to live in this country, Trois-Rivières, Saint-Marc-Grand-Mère, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, there's so much in a name. Oh, mommy, tell me why it's too late. When I was a baby, fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Mommy, mommy, I remember the song. Oh, mommy, mommy, something seems to be wrong. Oh, mommy, tell me why it's too late. Again, that beautiful story. Un jour, ils partirent de France, bâtir ici quelques villages, une ville, un pays. Mommy, mommy, how come we lost the game? Oh, mommy, mommy, are you the one to blame? Oh, mommy, tell me why it's too late. Ils demandent peut-être plus d'attention puisqu'ils sont dans un milieu où on doit montrer que l'on est souriant, heureux. Exactement, oui. Et toi, quand tu les vois, tu as l'impression de faire de la pédiatrie, toi. Oui. Tu vois le yin et le yang. Hein, oui, tu peux avoir les plus grands noms, toi, des gens extrêmement célèbres. Et tu les vois, c'est des gamins. Ils sont perdus, toi. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Oui. C'est très touchant, très, très touchant. Et toi, as-tu trouvé les mots pour le dire? As-tu trouvé la façon d'aborder le sujet? As-tu trouvé la manière d'annoncer ou de suivre quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable? Écoute, s'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette, mais... Il n'y a pas de recette. Quand j'ai fondé les premiers groupes de parole, ma patronne américaine, Selma Chemel, m'avait dit « il faut que vous fassiez une psychanalyse ». Donc, comme je suis un garçon qui suit sa hiérarchie, j'avais dit « bon, d'accord ». Donc, j'ai pris rendez-vous avec un psychanalyste renommé de Paris. Alors c'est marrant parce que tu rentres, tu vois, le gars il te parle pas, tu t'allonges sur le divan, il te dit pas un mot. Alors je lui dis bon, bah alors je me raconte, il me dit vous faites ce que vous voulez. Alors je commence à le prendre par l'humour, en lui disant bah, écoutez, je suis né le 9 avril 1949. Puis après j'éclate de rire, je dis non allez je blague. Et le gars il rigole pas du tout, il dit rien. Donc alors je commence à résumer un peu ma vie, tu vois, parce qu'il me semble important. C'était très drôle parce que tous les moments importants que je lui confiais, il prenait aucune note. Par contre, quand il y avait des trucs qui étaient insignifiants, il grattait sa feuille de papier. Moi, je pensais qu'elle compte. Et puis au bout d'une heure, il m'a dit « bon, ben voilà, c'est terminé ». Et je lui dis combien je vous dois, parce que tu sais, quand on est en psychanalyse, la relation avec l'argent est très importante. Il me dit « vous me devez rien ». Moi j'ai pensé qu'il pensait en tant que confrère « vous me devez rien », toi, mais je trouvais que c'était anormal. Alors je lui dis « si, si, je vous dois quelque chose ». Il me dit « non, non, vous me devez rien parce que je ne vous reverrai pas ». Je lui ai dit « ah bon, mais pourquoi ?» Il m'a dit « vous êtes une personnalité très complexe, mais vous nagez dans la noirceur comme un poisson dans l'eau, je ne vois pas ce que je peux vous apporter ». Donc, bah voilà. Et qu'est-ce que tu en as tiré ? Rien. Non, mais que je n'irai pas en psychanalyse. Mais quand quelqu'un arrive à dire ça, est-ce qu'il réfléchit en revenant à la maison ? Oui, qu'est-ce qu'il a voulu bah dire, ouais, je me suis dit, ouais, j'ai bien aimé. Tu sais, c'est comme on dit, nager en eau trouble. Oui. Mais voilà, il y a quand même un peu d'oxygène et tu arrives à respirer. Donc, Est-ce qu'il avait raison ? Oui, oui, je crois qu'il avait raison. Alors, il n'était pas si con que ça ? Eh ben non. Et alors, la psychanalyse ben, m'a servi à rien. Puisque j'ai, mais ceci dit, tu sais, quand tu animes des groupes de parole, et j'en ai animé bénévolement jusqu'à 6 par mois, donc, tu vois, c'était... ça vient naturellement. Et puis, c'est un peu comme si c'était une scène de théâtre, tu vois. Par exemple, quand tu oublies ton texte, il y a toujours un de tes collègues acteurs qui te tend la perche pour te remettre sur les rails, tu vois. Et dans les groupes de parole, une parole enchaîne sur une autre, je veux dire, il n'y a pas de temps mort, les mots viennent naturellement, tu vois. Mais souvent, moi, mes malades me disaient « oh, merci pour le temps que vous passez avec nous », et je disais non. Merci à vous, parce que je donne et je reçois beaucoup, tu vois, parce que c'est un exercice. Moi, je voyais les malades sous un autre angle, ça m'a enrichi. Est-ce sans doute que lorsque tu rencontres des cancéreux, il y a des gens qui te marquent plus que d'autres? Ouais. Alors, lesquels? Là, est-ce que c'est des gens qui te ressemblent un peu? Non, pas forcément. Mais c'est le... Alors ça, c'est le drame du métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, c'est inexplicable, tu peux pas savoir. C'est le feeling des gens. Toi, moi, j'ai un bon feeling avec toi et c'est la première fois qu'on se voit. Et ça s'explique pas. C'est l'humain avec un grand H. Et les patients, c'est pareil. J'ai quelques patients qui sont devenus des amis et quand je les ai perdus, si je les ai perdus, il y en a qui s'en sortent, heureusement. Et quand je les ai perdus, c'est un drame parce que c'est plus un patient que je perds, c'est un ami. Tu vois. Alors, il faut essayer de se protéger, autrement on devient dingue. Mais il y a des gens qui franchissent la barrière et tu t'en aperçois pas. Mais avant d'être médecin, étais-tu croyant? Ah, grande question. Alors, j'ai été élevé chez les curés. Ah ouais. Déjà, tu vois, c'est difficile de s'en sortir quand ouais. Tu commences par là. Ouais. Et puis... j'étais très, très croyant, hein, à tel point qu'à un moment donné, j'hésitais entre faire des études pour être médecin et ou rentrer au séminaire de Versailles, tu vois, parce que l'évêque de Versailles venait et puis nous disait, mes enfants, il faut rentrer au séminaire. Il recrutait. Il recrutait sec. Et la première fois que Monseigneur Renard, alors Monseigneur Renard c'était mon évêque de Versailles, et c'est un évêque pur et dur, tu vois, très conservateur, et il a fini sa carrière comme grand camerlingue du pape, tu vois. Donc, et Monseigneur Renard, il venait souvent dans mon école de curé, et la première fois qu'il est venu, donc il a fait le recrutement et tout, et puis c'était très impressionnant, tu vois, avec sa belle robe, tout ça, ses dentelles, c'était assez fascinant pour un gosse de 8 ans, tu vois. Et puis lorsqu'il était parti, il y a le curé qui m'a appelé et qui m'a fait venir à côté de son bureau. Et moi je suis arrivé et je me suis repris une paire de baffes qui m'a arraché la tête. Il m'a dit, tiens, ça t'apprendra d'avoir eu une mauvaise attitude avec Monseigneur. Donc ça m'a un peu remis le cerveau d'aplomb, tu vois. Et je me suis dit que si la religion c'était ça, j'ai pas envie de continuer dans cette voie-là. Oui. Ouais. Et puis après, quand j'ai perdu la première personne que j'aimais beaucoup, qui était une grand-tante, qui s'appelait Adrienne, je la fais revivre dans un de mes romans. C'est bien l'écriture parce que tu peux les remettre ensemble. Exactement. Ils ne meurent jamais. C'est un honneur que je leur rends un hommage. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment une femme que j'aimais beaucoup, que je respectais beaucoup. Elle m'a fait découvrir l'opéra, les opérettes de Lopez au Châtelet, tout ça. Elle m'a ouvert vraiment un univers artistique, c'est elle. Et lorsqu'elle est morte, elle a été la cérémonie a eu lieu à la cathédrale de Nevers. Et le curé qui officiait avait l'air de s'en foutre tellement, alors que moi j'avais le cœur brisé. C'est pas ma religion, c'est pas ma foi. Okay. Alors moi j'ai ma foi, toi, ouais. Je suis pas athée, non. Mais et ma religion est plus proche de la nature et de la petitesse de l'homme et de la grandeur de l'univers. Tu dans vois. L'humanisme. Voilà, oui. Mais ouais, oui, ouais, tout à fait, oui, complètement. Je lisais sur toi plusieurs choses et il y a un nom, un chanteur qui revient constamment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Luis Mariano. Ah oui, Luis Mariano. Pourquoi Luis Mariano? Ben, Luis Mariano... Tu vois, quand je l'ai nommé, tu as pris une gorgée et tu t'es comme ressaisi. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe avec Luis Mariano? Ça peut paraître bizarre, mais Luis Mariano, on avait une petite bonne à cette époque-là, on appelait ça une bonne, oui, tu oui. vois. Chez nous aussi. Voilà. Et cette petite bonne était folle de Luis Mariano. Et elle me proposait à chaque fois de m'emmener. Et c'était le seul chanteur qui réunissait 50 000 personnes sous un chapiteau. À cette époque-là, ça n'existait pas. Et c'était le seul. Et il était très beau, Luis Mariano. Il avait une voix absolument incroyable. Alors déjà, le côté artistique, si tu veux, puis c'était grandiose, quoi. Tous ces gens qui étaient c'était là. C'était showbiz. J'avais jamais vu ça, tu vois. Donc, il chantait fort bien. Et puis après, quand j'ai grandi un peu, j'ai vu que c'était un chanteur frustré parce qu'il avait une vraie grandeur de chanteur d'opéra. Il aurait pu faire une carrière fantastique. Et puis, c'est pareil, il est mort du cancer assez jeune. Ouais. C'est un personnage... Fin de la cinquantaine, je crois. Hein? Oui, ouais, c'est un personnage très romanesque. Tu vois, très, et pour toi, il t'a influencé et tu l'écoutes encore ou il fait partie de tes tiroirs? Alors, non, je l'écoute pas trop, mais il y a des chanteurs de cette époque que j'écoute beaucoup, comme Édith Piaf. Ah oui, oui, oui. Édith Piaf, pour moi, c'est... Que llega de París, oh la la la, se magnifica. No sé francés ni qué quiere decir. Se magnifica y al ver feliz la gente repetir, oh la la la, esto es magnifica. Canté también y alegre repetí, se magnifica. Poder tener un día tu querer, oh la la la, se magnifica. Poder juntar labios al besar. Se magnifica poder sentir tu corazón latido, la la la. Esto es magnifica y así los dos decirnos con amor se magnifica. La la la, se magnifica. Se magnifica poderte amar como pude soñar. Oh, la la la, esto es magnifica. Decirnos sí delante un cura al fin, se magnifica. Bah, à ce propos, j'ai rencontré il y a pas tellement longtemps Charles Dumont. Oui. Qui est quand même... Qui a fait un travail avec Diane Justin, une chanteuse québécoise, dans les années 80. Ils ont travaillé ensemble et il a travaillé avec Édith Piaf. Bon, autant que Claude Léveillé a travaillé aussi avec Édith Piaf. Exactement, oui. Et on s'est rencontrés avec des amis. À un moment donné, je suis allé vers lui et je lui ai dit, vous savez, je suis très impressionné parce que j'ai l'impression à ma table d'avoir un monument devant moi. Alors il a éclaté de rire et j'ai bien aimé, parce que c'est un grand de grand, c'est le dernier grand même en chanson française. Ouais. Et il a pris ça avec beaucoup d'humour, de modestie et ça c'est vraiment des grands, tu vois. Il est adoré du Québec. Ah bah oui, c'est vraiment le grand bonhomme. 90 ans, il est bien. Oui. Ah oui, il est bien. Piano voix, c'est incroyable. Ah, quelle voix, quelle tourne voix. Encore. Ah oui, oui, oui. Mais malheureusement, c'est plus vraiment le son du moment. Mais oui, le meilleur reste. Hein, le meilleur reste. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mais c'est drôle parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un jeune acteur un garçon qui a 24 ans. Et je lui dis, oh bah tu sais, j'ai rencontré Charles Dumont, c'était un choc. Il me dit, c'est qui? Je dis, c'était le dernier compositeur d'Édith Piaf. Et le gamin à 24 ans, il fait... Qui est Édith Piaf? Non, il me fait, c'est lui qui a écrit Mon Dieu? Et je lui dis oui. Et il me chante Mon Dieu. Alors tu vois, tout n'est pas perdu. Le nom n'est pas resté. Le nom n'est pas resté, okay. Mais voilà. Édith Piaf, oui. Tu vois, oui. Qui a fait beaucoup de... Qui est passé au Québec à plusieurs reprises. Donc une dame qui était adorée. Au même titre que Jacques Brel. Donc c'est des grands de ce monde. Ah, c'est des grands. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes encore aujourd'hui comme musique? Étais-tu dans la musique beaucoup plus française d'une certaine époque? Alors, dans la musique... Alors, moi, d'abord, je suis très musique américaine. OK. Je suis un fan de comédie musicale. Ah! Vraiment. J'adore le jazz. Et j'adore... Liza Minnelli, entre autres? Oui. Non. Oui. Enfin, je suis plus Sarah Vaughan. Ah oui, ok. Tu vois, jazz, Ouais, vraiment jazz. Et puis, le rhythm and blues, ces grandes voix noires, par exemple. Je me suis étonné moi-même de devenir un fan de Patti LaBelle. Oui. J'ai réussi à la voir 5 fois sur scène. Tu vois. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue, c'était à Las Vegas. C'était un grand auditorium, tu vois, il y avait 15 000 personnes. Et en terminant son show, elle a dit maintenant je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une grande chanteuse française qui s'appelle Édith Piaf. Et elle a écrit cette chanson parce qu'elle était amoureuse d'un champion du monde de boxe, Marcel Cerdan. Et elle chante l'hymne à l'amour en anglais. Écoute, tu ne croiras pas. Et sur les 15 000 personnes, il y en avait 10 000 qui chialaient, moi y compris. Voilà. Et ça, je ne vois pas ça en France. Non, effectivement. Voilà. Effectivement. Et j'adore les voix canadiennes. Québécoises. Évidemment. Anglaises ou françaises, francophones? Françaises. Ok, québécoises. Oui. Alors là, je ne pourrais pas te dire de nom. Mais aussi Fabienne Thibault, par exemple. Ah oui, mais qui est beaucoup plus en France depuis quelques temps. Oui. Et qui fait aussi de la chanson. Qui s'est concentré dans la musique bovine. Oui, et moi, Fabienne Thibault, c'est ma jeunesse, quoi. C'est Starmania. Ah oui, c'est Stone et tout ça. Ah, bah, complètement. Mais là, elle se concentre. La chanson de Ziggy aussi. Oui. À l'époque, c'était presque scandaleux, tu vois, de faire une chanson sur un titre gay comme ça. Ah, mais ça, c'est Luc Plamondon, c'est l'écriture de Luc Plamondon. Bah, oui, mais il fallait oser. Et c'est de la prendre aussi, la chanson. Mais tu sais que c'est vrai que Fabienne Thibault enregistre actuellement de la musique pour favoriser le bien-être des vaches. Elle fait de la musique bovine. Écoute, ça me plaît beaucoup parce que moi, je suis amoureux des vaches. Je parle vache. OK. Quand je suis en Normandie, que je vois des vaches, je meugle et elles viennent vers moi naturellement. J'adore les vaches. Ah oui. Mais c'est grâce à elles si on peut encore aujourd'hui avoir des eaux... surprenamment fonctionnel. Tu m'apprends quelque chose, mais tu vois, ça me la rend encore plus sympathique. Oui, ah ben c'est bien. Ah ouais. Ah oui, mais aujourd'hui, Fabienne Thibault, elle fait comme plusieurs artistes, elle reprend ses grands succès dans des spectacles pour personnes comment dire, à l'âge avancé comme oui, alors... ouais, bah, leur apporte du bonheur. Oui, c'est le bien. But. Mais c'est ça la musique. Tu sais, il y a des tournées maintenant en France qui s'appellent H-Tendre et Tête de Bois. Oui, oui, oui. Où il y a tous les. C'est tous les à ceux-là aussi. Ouais. Mais quand tu vois tous ces gens comme mon âge, en fait, qui vont là-bas, mais. Il y a beaucoup d'artistes qui disent oui, c'est ridicule. C'est... Mais écoute, c'est du bonheur. Ah oui. Il n'y a pas de ridicule, c'est du bonheur, ah c'est oui. mieux. Ah oui. À chaque fois qu'ils se produisent, il y a 10 000 personnes qui sont heureuses. Oui, c'est formidable. Et toi, est-ce que tu conseilles à tes malades d'écouter de la musique ou si tu les laisses Alors écoute, moi la musique, ça m'a sauvé parce que j'aime beaucoup la musique classique aussi. Je suis un fan de musique classique, d'opéra. Et j'ai toujours vécu avec la musique. Donc, et au moment les plus sombres de ma vie, j'écoute de la musique. Je me mets un casque et heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais non, la musique, ça m'a accompagné. D'ailleurs, dans mes livres, il y a toujours des références musicales. Oui, oui, ouais, exactement. Toujours. Exactement. Est-ce que tu essaies d'écrire avec une certaine mélodie en tête? Oui, oui, oui. Et quand tu relis, est-ce que tu relis tes livres? Oui, beaucoup. Trouves-tu qu'elles ont la mélodie que tu voulais leur donner? Oui, oui. C'est une mélodie, ce que je te disais tout à l'heure, il y a un rythme de phrase et il y a une mélodie des mots. Quelquefois, je fais des jeux de mots où je vais donner un mot, je vais prendre un mot qui veut dire la même chose, mais parce qu'il a une résonance particulière avec la phrase d'avant, tu vois. La consonance. La consonance, ouais. C'est pas de la poésie, mais, non, mais c'est pas de la consonance. Ouais. Exactement. C'est la musique des mots. Ouais. Écris-tu à voix haute ou si tu écris avec des phrases qui te viennent de l'intérieur? Alors, j'écris avec des phrases qui me viennent de l'intérieur. Et la touche finale, je relis mes romans à voix haute. Et au théâtre, crois-tu fonctionner beaucoup plus avec la voix haute puisque les mots sont projetés? Ah ben, complètement. Complètement. Mais j'ai été surpris parce que Bérangère Bottin, lorsqu'elle a fait l'adaptation de La Dame Céleste, je pensais qu'elle allait modifier certaines choses. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et en fait, elle a repris presque le texte mot à mot parce qu'elle m'a dit, mais c'est tellement naturel la musicalité de tes phrases que ça passe très bien au théâtre. Et j'ai été surpris de retrouver mes phrases pratiquement intactes. As-tu regretté de ne pas avoir fait ça avant, écrire pour le théâtre? Bon, on ne peut pas tout faire. Effectivement. Voilà. On a donc, juste une guitare. Oui, je trouve que les choses viennent quand elles doivent venir. Et si elles ne se font pas, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Donc, je suis assez... Et là, le théâtre est venu à moi, tant mieux. C'est pas toi qui es venu au théâtre? Non. Au départ, tu as écrit un roman et c'est une actrice qui s'est sentie... Oui, mais pour La Dame Céleste et Le Diable Délicat, j'avais une petite idée derrière la tête. Je me suis dit, tiens, ce serait bien. J'en ai parlé à une grande tragédienne française qui s'appelle Anne Delbé, qui est une amie intime. Et bon, elle n'avait pas tellement accroché. Alors je me suis dit, allez, c'est encore dans ma tête. C'était peut-être pas trop son univers non plus. Exactement. Hey, j'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide? Si j'étais un liquide? Oh, le mercure. Hein. Pourquoi le mercure? Ah ben, c'est un métal atypique. Hein. C'est un métal liquide. Puis c'est beau le mercure, c'est brillant. Et puis t'arrives pas à le tenir entre les doigts. Et puis c'est un poison violent. C'est le côté machiavélique. Ouais, et puis alchimiste. Oui, oh, dans oui. un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozeau, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozeau voyait entrer ses invités poudrés de vieilles rosses traînant carrosse et la fée Carabosse. Tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozeau, le fou du lieu, est amoureux.